canal est un bon amour dans l'amour. Oui, on a des abolingo, monte me comme il cobete, monte me comme il cosoua, soko zangé. Tangoza musica, maganisi nangaseyo, tangoza pembenye, kakaseyo fanda libela. Na komi lenge lantoto, pona yo. Na komi bate lancherie, pona yo. Tindika kabato na esika oyo kana kitende Mingi babunga, bachanja mboka se ponango Mabale bele, makambo mil Baninga mingi, bapona mabepe bamonaye Bakomo tambola na Si je savais Oh l'amour Bolingo yawe, ezala kana sukate Le vrai amour est à la casse de mon corps. Le vrai amour est unique. Quand on en a 3, 4, 5, 6, c'est le plus l'amour. Mami